Ouais, Silco. Mixtape sans expression, gros. Je mets les voiles dans le rap français. Si t'es là pour clasher, viens pas me tester car je vais être niqué. Je suis trop foncé, tu pourras pas m'arrêter. J'ai pas besoin de ton avis alors que c'est ton dit ici. J'ai débarqué dans le rap à CSP. J'ai des putains de potes trop d'air qui prêtent des cryptos Sky au Vicaire. Tous rendez-vous au comptoir tous les week-ends, c'est toujours la même. Là c'est Silco qui la dédicace au Nick Bédo. Qui tease tous de l'accro, qui fume du bédo. Si si t'inquiète, tu pourras pas test. Normal Sorini, chez nous pas de chichi. Je mets les voix dans le rap français depuis que j'ai 16 piges. J'y ai trop arrivé depuis, je prends des cuites. J'ai débarqué dans le rap en 2008. Mon premier feat c'était avec D-Wanted. Venez pas me sucer la bite pour un bout de shit. Je mets les voix dans le rap français depuis que j'ai 16 piges. J'y ai trop arrivé depuis, je prends des cuites. J'ai débarqué dans le rap en 2008. Mon premier feat c'était avec D-Wanted. Venez pas me sucer la bite pour un bout de shit. Si, si. Je mets les voix dans le rap français depuis que j'ai 16 piges. J'y ai trop arrivé depuis, je prends des cuites. J'ai débarqué dans le rap en 2008. Mon premier feat c'était avec D-Wanted. Venez pas me sucer la bite pour un bout de shit. Et ouais. Je m'en fous, tu penses que tu veux, même si mon rap t'emmène pas dans les cieux. Car je te mettrai pas le pieu et fais tous ces putains de rageux. Mon rap est comme un ciel radio, avant je faisais les sons en 2-2. Maintenant je vous mets en transe sur ce son, faut que ça balance. Si t'aimes pas, retourne chez toi en cadence. On m'a dit que pour le rap il faut un vécu. Ok, mais y'en a qui font les lèches-cul. Ils croyaient que j'arrêtais tout, manque de peau, j'ai réfléchi à tout. Je me disais, je dois arrêter le rap. D'ailleurs moi je devais fermer la page en me disant d'arrêter le massacre. Silco a eu tort quand il revient deux fois plus fort. Je mets les voix dans le rap français depuis que j'ai 16 piges. J'y ai trop arrivé depuis, je prends des cuites. J'ai débarqué dans le rap en 2008. Mon premier feat c'était avec D-Wanted. Venez pas me sucer la bite pour un bout de shit. Je mets les voix dans le rap français depuis que j'ai 16 piges. J'y ai trop arrivé depuis, je prends des cuites. J'ai débarqué dans le rap en 2008. Mon premier feat c'était avec D-Wanted. Venez pas me sucer la bite pour un bout de shit. Si, si. Je mets les voix dans le rap français depuis que j'ai 16 piges. J'y ai trop arrivé depuis, je prends des cuites. J'ai débarqué dans le rap en 2008. Mon premier feat c'était avec D-Wanted. Venez pas me sucer la bite pour un bout de shit. Et ouais. Et ouais, c'est Silco. Elle est skin. Fuck you. Fuck you. Écoute ça, c'est du one-hit de passage. Ouais, j'suis avec Silco pour niquer les skins. Eh ouais. Ouais, vas-y mon pote. Dis ce que t'as à dire. Eh ouais, aussi mes skins. Fuck les skins. T'inquiète. Niquez-vous mes. RIP, gang.